Dans sa réponse donnée le 2 février à un correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée, le porte-parole du Comité des juristes de Corée a condamné la tentative américaine de justifier les résolutions de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU contre la République populaire démocratique de Corée. Il a dit notamment: les États-Unis et leurs suivistes ont incité le Conseil de sécurité de l'ONU à l'adoption des résolutions de sanctions contre la République populaire démocratique de Corée. Toutes ces résolutions violent grossièrement le droit légitime d'un État souverain et les droits internationaux confirmés, et leur illégalité se révèle au fil des jours. Surtout, les sanctions de résolution de type d'embargo visent à nier intégralement le droit à l'existence et au développement de notre peuple et à détruire la civilisation contemporaine pour retourner notre société à l'âge médiéval. Ce crime contre l'humanité et la civilisation est condamné par la société internationale. Face à la démarche des États-Unis qui méprisent les droits internationaux reconnus et abusent de la fonction du Conseil de sécurité de l'ONU pour inventer les soi-disant résolutions, nous avons demandé au secrétariat de l'ONU d'organiser à New York ou à Genève un forum international des juristes pour éclaircir le fondement juridique d'une résolution de sanction. Mais les États-Unis poussent les soi-disant spécialistes du problème coréen qui ne savent point le droit international à prétendre toujours et stupidement comme ce qui suit. Si une action d'un État est estimée comme une menace sur la paix selon l'article 39 de la Charte de l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU peut prendre une mesure requise. Puisque les autres pays n'acceptent pas le retrait de la Corée du Nord du traité sur la non-prolifération des armements nucléaires, le Conseil de sécurité de l'ONU est en mesure d'exercer une sanction. L'article 39 de la Charte de l'ONU, qui stipule la fonction générale du Conseil de sécurité de l'ONU, ne peut servir de fondement juridique d'une résolution de sanction, et aucun droit international ne dit que l'essai nucléaire et le lancement de satellites d'un pays constituent une menace sur la paix. Et notre retrait du TNP est légitime, car il se conforme à l'article 10 du traité, et aucun point du traité ne contient une phrase relative à la reconnaissance du retrait par les autres pays. L'ONU, qui affiche l'administration appuyée sur des lois et le respect des règlements du droit international, doit organiser le forum aussi vite que possible, sans se moquer de notre demande juste, pour s'acquitter de sa responsabilité et de son devoir devant la société internationale. Le Comité des juristes de Corée attend de la société internationale et des formations des juristes épris de justice et de vérité une réponse positive à notre proposition pour l'ouverture du forum international en vue de discuter officiellement du fondement juridique d'une résolution de sanction.